vie comme elle vient. Seuls les diamants sont éternels, de quoi sera fait demain. Mais là n'est pas l'essentiel, jour après jour danse avec elle. Tu la prends comme elle vient, palpitante et si belle, on en a tous besoin. Je la consomme naturellement tant que le soleil rayonne, qu'il donnera la même couleur aux hommes. Imagine-toi la souffrance, les blessures finalement mises en quarantaine. On ne vit qu'une fois, laisse-toi porter au gré du vent qui sait où il t'emmène. Personne ne sait de quoi sera fait demain, relativiser en attendant. Prends la vie comme elle vient. Seuls les diamants sont éternels. Prendre conscience à quel point la vie peut être belle. Le geste est simple mais ça fait du bien. Le chemin de la